ces hommes braves, ces vaillants guerriers, ils finiront bien par nous mettre en l'air avec toutes leurs machines et leurs drôles de guerre. Il faut arrêter tout ça, la vie ça n'est pas ça. Qui meurent de faim, c'est plus facile qu'à leur donner du pain. Il faut arrêter tout ça, la vie ça n'est pas ça. Laissez briller le soleil, laissez briller le soleil. Annonce que le rouge est mis. Il faut arrêter tout ça, la vie ce n'est pas ça.